Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour à tous, ici Steve Lévesque pour Zone Mag. Malheureusement, pour notre premier épisode, Karine est en vacances. Elle ne pourra pas participer à l'émission. Je vais la faire tout seul. Moi, de mon côté, j'ai écouté Pee-wee, pas en 3D. De toute façon, à la maison, je ne suis pas équipé pour écouter la 3D. Pee-wee, ça raconte l'histoire d'un jeune hockeyeur qui, on apprend qu'il a perdu sa mère il n'y a pas longtemps, puis il a perdu le goût de jouer au hockey parce que le hockey lui rappelait beaucoup, beaucoup sa mère. Il avait une grande complicité avec sa mère dans le hockey, puis à chaque fois qu'il joue, ça lui fait penser à sa mère, donc il a arrêté de jouer au hockey. Puis, il doit déménager avec son père dans une autre ville. Puis, du moment qu'il arrive là, il se fait une nouvelle amie, ou disons peut-être un peu forcée, mais bon, qui, elle aussi, joue au hockey. C'est une gardienne de but pour une équipe de Pee-wee. Puis, elle décide de... En voyant comment que lui était bon au hockey, elle décide de l'obliger... à jouer au hockey, à embarquer dans son équipe, ce qui, malgré lui, décide et accepte quand même de faire. Le film se passe durant cette période où est-ce que on apprend... mais en fait, le but de la jeune fille, c'est vraiment de gagner le tournoi Pee-wee de Québec. C'est son rêve, c'est ce qu'elle veut le plus. Donc, elle va s'arranger pour tout faire pour que ça arrive, du moins en tout cas qu'elle se rende en finale. Puis l'histoire se base autour de ça. Il y a beaucoup de... La thématique du film, c'est sûr que c'est la joie du tournoi Pee-wee, c'est le kit, mais il y a beaucoup de dramatique à travers tout ça, à travers le deuil qu'il doit faire de la perte de sa mère, que son père aussi est un peu distant et beaucoup au travail, a de la misère lui aussi à gérer le deuil de sa femme, la perte de sa femme. On voit aussi beaucoup le côté que certains parents ont à trop pousser les enfants dans leur sport, que ce soit au hockey. Dans ce cas-là, c'est au hockey, mais on voit ce genre de choses un peu partout aussi dans différents sports. Ou est-ce que ça crée peut-être un problème ou avec les jeunes qui sont peut-être plus eux-mêmes, dont un en particulier? Il y a vraiment une belle histoire pour ce film québécois-là. Je crois qu'il n'avait pas été... perçu, je ne peux pas dire de la bonne façon, mais qui n'a pas été vraiment attendu, acclamé par la critique. J'ai eu l'impression que c'est un film qui avait passé un peu sous le silence. Moi, j'ai adoré ce film-là. C'est comme je dis, l'histoire qu'il y a alentour, autant du côté de comment faire le deuil de la perte d'un être cher, de venir à bout, de passer par-dessus, autant que le jouer en équipe ou de faire des choses en équipe, c'est comme ça que ça nous permet d'avancer. Et comment gérer aussi la pression que les parents peuvent avoir ou peut-être faire réaliser justement à des parents que des fois on veut peut-être pousser un peu trop puis qu'on devrait peut-être lâcher un petit peu. Dans le fond, les jeunes sont là pour avoir du fun, sont là pour avoir du plaisir. Oui, c'est le fun de gagner. Oui, il faut performer pour gagner, mais quand c'est rendu trop extrême, c'est pas mieux non plus. Donc l'histoire, puis la morale qu'il y a alentour de ça, j'ai vraiment aimé ça. Je conseille à, premièrement, ceux qui aiment le hockey, ça vous prend, ce film-là. Si vous avez des enfants qui jouent au hockey, même pour les jeunes, c'est autant un film pour adultes que pour jeunes. Ils ont essayé d'aller viser... un public beaucoup plus large en faisant ce film-là. La 3D, comme je vous dis, moi, je ne l'ai pas écouté, le film en 3D, mais j'ai écouté le making-of qu'il y a en bonus sur le DVD. Puis, ce qu'eux disaient, c'est qu'ils avaient rajouté certains plans de vue en 3D. Le film, à la base, n'était pas écrit pour être en 3D. C'est au fil du tournage qu'ils ont décidé de mettre ce film-là en 3D. Puis, c'est quelques scènes où est-ce qu'on voit des rondelles qui vont rentrer dans... pas dans la salle, parce que là, eux, ils parlent dans le cinéma, dans le making-of, mais, exemple, si vous l'écoutez à la maison, ça va être dans votre salon, vous allez avoir l'impression que la rondelle va rentrer dans votre salon. Certains plans de vue aussi qui ont filmé avec une caméra directement sur la glace, ou presque sur la glace, là, avec une petite scie pour pouvoir déplacer la caméra comme ils voulaient. Puis, ils ont des plans de vue comme ça qui sont en 3D pour donner l'impression que vous êtes vraiment sur la glace avec les joueurs. Ce qui pourrait être intéressant si c'est bien fait. Ils n'ont pas... ce qu'ils disent, eux, dans le documentaire, dans le making-of, c'est qu'ils n'ont pas opté pour filmer originalement en 3D avec deux caméras pour parce que c'était trop de contraintes, c'était trop de temps que ça aurait demandé. Donc, ils sont allés en post-production, qui ont rajouté l'effet 3D. Donc, peut-être que pour ça, l'effet ça va peut-être être un peu moins réussi. Mais il explique quand même bien dans le making-of pourquoi ils sont allés chercher ça, puis quel type, puis comment est-ce qu'ils ont fait le 3D. Ce qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, si je vous conseille d'écouter le making-of, c'est autant on a des entrevues d'artistes qu'on a du réalisateur, des producteurs, des écrivains. Ça vaut vraiment la peine pour ça aussi. Donc, Pee-wee ordinaire ou Pee-wee 3D, moi, c'est un film à conseiller. On a aussi le film The Masters, qui est un drame américain reproduit et réalisé par Paul Thomas Anderson, mettant en vedette Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams et Laura Dern. Dans les années 50, Freddie Kell, un ancien marine de l'armée américaine, se retourne chez lui après s'être battu dans le Pacifique, sauf que Kell est un alcoolique et il y a des excès de violence. Un soir qu'il était en état d'ébriété, il monte sur un yacht, puis il fait la rencontre de Dodd, qui lui se décrit comme étant romancier, docteur en physique nucléaire et philosophe théoricien. Puis Dodd, lui, aurait vraiment besoin d'un marin sur son bateau, donc Kell devient le candidat idéal. Dodd, tout au long du film, lui, essaie de comprendre ce que Kell vit, mais essaye aussi de le réadapter, ce qui ne sera peut-être pas chose facile. Pour les amateurs de dramatique, je pense que c'est un film qui se vaut la peine d'être vu. Donc le film The Masters, pour les amateurs de drame. Du côté du CD musical, il y a Carla Bruni qui sortait French Little Song, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, je connaissais Carla Bruni, mais j'avais jamais écouté sa musique. C'est un album qui est beaucoup très tranquille. Certaines chansons sont un peu jazzées, ce qui est quand même bien. Ça me faisait penser un peu à Linda Lemay. À ce que le genre musical qu'elle fait. Si vous aimez le genre, ça va être à conseiller aussi. Je vais vous faire écouter quelques extraits, puis on vous revient tout de suite après ça. Dans les bagnoles, au Batignol, à Istanbul, avenue du Roule, sur un atoll ou dans la foule, on est là où l'on peut. À Notre-Dame, au bord du Drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot ou sous un tram, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non. Je suis chez qui fait Anita, c'est le petit. Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe, en toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. un pirate, ouais. Il prend tout à l'abordage comme s'il y jouait sa vie. J'aime quand ça tombe, quand ça croque, quand ça crame. Je ne suis pas une dame, je n'ai pas l'air d'une dame. J'ai plutôt l'air d'un chien, d'une larme, d'un poème. Je suis le du voisin, je suis le torchon du barman. La veuve et l'orphelin, le sultan du harem. Je suis tout petit matin, la dernière goutte de gin. Et je suis l'assassin qui dort malgré son crime. Je suis le vieux marin, officier gentleman. Et je suis le vaurien que personne ne réclame. Et quand je ressens tant. French song will take you to Paris, to Pigalle, l'île Saint-Louis. French song are dancing sous la pluie, de Bastille aux Tuileries. Because we have de quoi frimer, we have Brassens, Brel and Ferré, we have Boris, Vian, Barbara, Gainsbourg, Trenet, Prévert, souvenirs entassés. Dans son cœur comme des cendres, tous ses rêves à demi fanés. Et alors elle a murmuré: liberté, liberté, liberté. Ouh, ouh, ouh, liberté, tu dois bien exister. Oui, on l'entendit murmurer: liberté, liberté, liberté. L'autre CD que j'ai eu la chance d'écouter, c'est The Band Perry avec Pioneer, qui est un groupe américain qui font du style country. J'irais beaucoup plus, en tout cas, du moins pour cet album, puisque c'est leur deuxième. Ils avaient été beaucoup connus avec leur premier album qui s'était sorti en 2010, si je me souviens bien, qui avait eu même des chansons qui étaient au top 1 country américain. Donc, beaucoup de pression pour ce deuxième album-là. C'est un son, je vous dirais, beaucoup country pop, qui me faisait penser à ce que Shania Twain pouvait faire il y a une dizaine d'années, là, quand elle faisait encore des CD. Là, présentement, on en entend moins parler. J'ai vraiment été surpris par cet album-là. Puis, ceux qui me connaissent savent que le country n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Mais celui-là, un peu comme je disais, là, qui fait beaucoup penser à du Shania Twain, que j'aime aussi sa musique qu'elle faisait. C'est un album à conseiller. Si vous aimez ce genre de musique-là, country pop, vous devez d'avoir cet album-là. C'est un must à votre collection. C'est vraiment excellent. Vous pourrez en juger par vous-même avec les extraits qu'on va vous faire jouer tout de suite. So if the ties are bound, every do come loose. Tie them in a knot like a hangman's noose. Cause I'll go to heaven or I'll go to hell before I'll see you with someone else. Put me in the ground, I put me 6 foot down. And let the stone say, here lies a girl who's only where the heart is, I guess. Now I'm homeless. Get back to what you know. my life way out on a limb. It's gonna hit you hard till you see stars. It's gonna put you through a world of hurt. Oh, I don't believe in getting even, but getting what you deserve. On a aussi Killswitch Engage qui nous revient avec un sixième album. Pour ceux qui connaissent Killswitch Engage, c'est vraiment du hardcore metal, du gros gueulage, comme j'aime bien aussi, aussi appeler ça. J'ai très bien aimé l'album. Ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup de chansons, je dirais pas mélodiques. Ils sont entre deux là. C'est un des groupes qui ne fait pas uniquement du gros hardcore puis uniquement du heavy metal avec une voix un peu plus douce. Ils sont vraiment comme entre les deux, puis c'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez ce genre d'artiste là. Le CD est disponible en version régulière ou en version deluxe qui contient 4 chansons de plus, dont 2 studios et 2 live. L'édition deluxe contient aussi un DVD avec New Awakening, qui est le making of de Disarmed Descent, qui est le making of de l'album. Et pour les amateurs de metal, de gros rock hardcore, je conseille vraiment cet album-là. C'en est un qui vaut vraiment la peine. Si vous aimez Killswitch, c'est rendu, comme je disais, leur sixième album. Donc, il y en a beaucoup qui vont déjà connaître Killswitch. C'est à ne pas manquer. En voici donc quelques extraits. Il y avait aussi New Kids on the Block qui reviennent avec l'album 10. J'aurais aimé pouvoir vous dire que j'ai aimé cet album-là. Par contre, c'est pas tout à fait le cas. J'étais un peu déçu de ce que j'ai entendu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pop, pas pop, mais plus pépé, plus d'énergie. Puis j'ai l'impression que dans certaines des chansons, ils ont un côté dance qui fait très, très commercial, très club, très, très radio aussi. C'est un album qui est clairement destiné à passer à la radio. Mais j'ai l'impression qu'ils ont comme hésité à s'avancer plus dans ce côté dance-là. Tu sais, on dirait qu'ils sont comme... La musique dance est beaucoup présente, mais les vocales sont comme sur un temps en arrière. Je dirais pas que ça fit pas ensemble, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus pépé. J'écoutais l'album, puis honnêtement, j'avais presque le goût de m'endormir. Donc, avant de l'acheter, personnellement, je pense que je vous conseillerais d'aller l'écouter ou fouiller sur Internet pour trouver des extraits, pour écouter des chansons. Sur YouTube, il doit sûrement en avoir. Sur le site, peut-être même aussi du groupe, vous pouvez peut-être, dans certains sites aussi, peut-être écouter l'album au complet. Ça va vous donner une idée si vous aimez ou pas. Moi, en tout cas, pour ce qui est de ma part, je n'achèterai pas cet album-là. J'en ai pas d'ailleurs de New Kids on the Block, mais celui-là, c'est sûr et certain que je vais passer par-dessus. En voici donc quelques extraits. Jeux vidéo pour cette semaine, on a Defiance qui sort sur PC, Xbox 360 et PS3. Defiance, moi ça fait un bout de temps que je suis ce jeu-là parce que ça va être le premier jeu qui va intégrer le transmédia. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer au jeu, puis les actions, je suis pas trop sûr de comment est-ce que ça va exactement fonctionner, mais je crois que les actions générales que les utilisateurs vont faire vont peut-être aller vers la tendance générale, va se transposer dans une série télé qui va être sur les ondes de Sci-Fi à partir du 12 avril, si je ne me trompe pas, qui est malheureusement, en tout cas, du moins ici, je pense que Sci-Fi n'est peut-être pas disponible. Ça serait à vérifier. Peut-être avec les soucoupes, des fois, ils ont un peu plus de largesse de canaux. Vous pouvez vérifier aussi avec Cable Amos, peut-être qu'eux peuvent avoir Sci-Fi aussi, là, ce qui n'est pas mon cas, donc je ne pourrais pas vous confirmer s'ils sont pas, mais éventuellement, j'imagine que les épisodes vont se retrouver soit sur Internet, soit sur d'autres canaux québécois qui vont nous permettre de pouvoir écouter, peut-être malheureusement en retard par rapport à la sortie du jeu, les épisodes, mais c'est un des premiers jeux qui va utiliser le transmédia. Ça risque de faire, j'espère que ça risque de faire des petits, parce que c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant, parce qu'on va jouer, puis on va se transposer dans la série par après, en même temps ou presque, ce qui est normalement pas le cas pour certains jeux, soit que les jeux sont tirés d'une série ou ils font des séries par rapport à des jeux, mais là, c'est vraiment développé, ça a été pensé pour être développé en même temps, puis être interactif. Defiance, si le jeu vous intéresse, PC, Xbox 360, PS3. Ensuite, on a aussi Ninja Gaiden Razor's Edge, qui va sortir sur Xbox 360, PS3. Les amateurs de Ninja Gaiden doivent attendre ce titre-là avec impatience, parce que les Ninja Gaiden, c'est une série qui dure depuis longtemps. Je me souviens, je crois que c'est sur NES, les premiers Ninja Gaiden, NES ou Super NES, les premiers Ninja Gaiden qui ont sorti, même peut-être même sur Sega. Ça, faudrait que je fasse des petites recherches pour vous confirmer, hein. Une série qui n'est pas à son premier titre, comme je dis, ça fait au moins presque une vingtaine d'années que la licence existe, avec de très bons jeux, de très, très bons titres dans les Ninja Gaiden. Celui-là va peut-être être un bon, si vous voulez, si le titre vous intéresse, Xbox 360, PS3. Ensuite, sur la Nintendo 3DS, il y a un jeu de pêche, pour les amateurs de pêche, en 3D, qui sort. C'est Super Black Bass 3D. Pas grand-chose à dire sur ce jeu-là. C'est un jeu de pêche, ça reste tout le temps un classique. Les amateurs de pêche vont sûrement vouloir se procurer ce titre-là si vous avez une 3DS, bien sûr. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.